Si tu veux mettre toi qui vois ton téléphone en mode paysage. Non, parce que là, en fait, l'écran, il est. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivaient dans cette série autour de l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabri رحمه الله Rahmatan wasi'a, de l'épître Thalathat al-Usul de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahab, Rahimahullah wa Rahmatan wasi'a. Donc nous sommes toujours dans cet épître Thalathat al-Usul, à travers l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabri et Traf al-Uqul bishar Thalathat al-Usul. Et nous sommes arrivés à la parole du Moussannif, dans laquelle il a dit Wal-Rab wal-Ma'boud. Et ça, c'est ce qu'on appelle. Il y a ni les connotations qui sont relatives au fait qu'il y a une corrélation entre le terme al-Rabb et le terme al-Ilah. Cheikhouna Cheikh Khaled al-Dhafiri avait dit que le terme al-Rabb et le terme al-Ilah, le terme Seigneur et le terme d'al-Ilah, la divinité, tous deux, ces deux termes, إِذَا اجْتَمَعَ اِفْتَرَقَ وَإِذَا اِفْتَرَقَ اِجْتَمَعَ. C'est-à-dire que s'ils sont mentionnés conjointement dans une mention commune, alors chacun d'entre eux a un sens qui lui est propre. Al-Rab renvoyant à la Rububiyya et Al-Ilah renvoyant à la Uluhiyya. Le terme Al-Rab renvoyant à la seigneurie souveraine, tandis qu'Al-Ilah renvoyant à la Uluhiyya, c'est-à-dire le fait de recevoir un culte exclusif, le fait de se faire diviniser, le fait de se voir dédié et dévouer une adoration. Mais إِذَا اِفْتَرَقَ اِجْتَمَعَ. Mais s'ils sont séparés, ils sont mentionnés de façon indépendante, l'un de l'autre, ces deux termes-là, alors englobent le sens de l'autre. Donc, Al-Rab, quand il est mentionné tout seul, ça renvoie à la seigneurie souveraine et également à la notion de divinisation. Et donc, Al-Rab, huwa al-Ma'boud, le Seigneur, c'est celui qui est adoré. Taïb. En vérité, celui qui reconnaît la seigneurie souveraine d'Allah, comme notre cher Khadid al-Dhafir l'a expliqué, quiconque viendra à reconnaître et à croire sincèrement, de façon objective, en la seigneurie souveraine d'Allah, ça va impliquer qu'il va adorer exclusivement Allah. Car en vérité, s'il voue un culte à quiconque en dehors d'Allah, en vérité, il ne fait qu'adorer une créature, se détournant ainsi et délaissant ainsi l'adoration de son créateur, qui est son créateur à lui, et le créateur de celui qu'il a érigé en tant que divinité en dehors d'Allah, qui est lui aussi une création d'Allah, Azza wa Jalla. Ensuite, il dit « وَالدَّلِيل قَوْلُهُ تَعَالَى » Donc là, on aborde un dalil important, à savoir un dalil concernant le lien qui est établi dans le Coran à de nombreuses reprises entre al-Rububiyya ou al-Uluhiyya. Pour rappel, al-Rububiyya, qu'est-ce que c'est? Ça renvoie à la seigneurie souveraine d'Allah. Et les ulama ont expliqué que c'est établi sur quatre piliers. Al-Khalq, al-Rasq, al-Mulk ou al-Tadbir. C'est-à-dire que ce sont quatre éléments essentiels relatifs à la al-Rububiyya. Al-Khalq, le fait qu'Allah est al-Khaliq. Il est donc celui qui crée la création. Donc la création, le fait qu'Allah il crée les serviteurs. Ensuite, concernant Al-Mulk, le fait qu'Allah détient la royauté absolue et totale sur tout ce qui existe. Ensuite, troisième élément, Al-Rasq, le fait qu'Allah est celui qui accorde la subsistance à qui il veut, Azza wa Jal. Allah est Al-Razzaq, et il octroie Al-Rizq à qui il veut. Et son attribut est Al-Rasq. Et donc, il est celui qui accorde la subsistance à ses créatures et ses serviteurs. Taïb. Ensuite, At-Tadbir, ça fait référence à la gérance, le fait qu'Allah gère sa création. Ça, ce sont quatre éléments fondamentaux de la Rububiyya. Ce n'est pas une liste exhaustive. Bien entendu, par exemple, fait partie de la Rububiyya, Al-Ihya ou Al-Imata, le fait de donner la vie et de donner la mort. Ce n'est pas une liste qui se veut être exhaustive, mais ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels sont établis la Rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par rapport à laquelle sont établis. Par rapport auxquels sont établis la Rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et donc dans le Coran al-Karim, les ulémas ont mentionné que Allah, à de multiples reprises, a lié la reconnaissance de sa seigneurie souveraine, le fait qu'il est le créateur, le seigneur et le maître, au fait qu'il est le seul à qui revient à l'adoration exclusive. Donc le verset que l'on va mentionner en est un exemple. Allah azza wa jalla a dit « Ya ayyuhan nas » اعبدوا ربكم. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. الذي خلقكم. Celui qui vous a créé. والذين من قبلكم. Et ainsi que ceux qui vous ont précédé. لعلكم تتقون. Afin que vous obteniez ou que vous atteigniez, vous parveniez à la piété. الذي جعل لكم الأرض فراشا. Celui qui a fait pour vous la terre telle une couche, qui l'a aplanie. والسماء بناء. Et qui a établi les cieux au-dessus de vous comme un édifice, comme un toit. وأنزل من السماء ماء. Et qui a fait descendre des cieux une pluie. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Et qui a fait surgir de la terre, suite à cette pluie, des fruits en tant que subsistance pour vous. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Alors n'établissez pas à Allah des égaux, il est dans l'adoration, alors que vous savez cela. طيب. Cheikh Ubayd al-Jabri dit, في هاتين الآيتين أدلة أخرى أقامها الله سبحانه وتعالى على استحقاقه العبادة فلنستعرض هذه الأدلة. Donc il dit dans ces deux versets, Allah mentionne d'autres preuves qu'Allah établit afin de légitimer son droit, ou de plutôt de prouver son droit à l'adoration de façon exclusive. C'est-à-dire que le fait qu'il lui revient à l'adoration exclusive. Il dit donc on va passer en revue ces différentes preuves. لكن قبل ذكر الأدلة ننبه إلى معنى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Il dit mais avant d'aborder en soi les preuves en elles-mêmes, il dit nous souhaitons attirer l'attention concernant le sens de la parole يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. يقول المفسرون, donc les savants de l'explication des sens des versets du Coran, les exégètes, ceux qui font l'exégèse, l'explication des sens des versets du Coran, disent هذا أول أمر جاء في القرآن. Ceci est le premier ordre qui est venu dans le Coran. بارك الله فيكم. Comme mentionné précédemment, nous avons expliqué que l'ordre des sourates dans le Coran, c'est-à-dire de sourate al-Fatiha, de sourate al-Nas, n'est pas un tartib qui est basé sur al-Nuzul, dans le sens où ce n'est pas basé sur l'ordre dans la révélation. Mais ça a été un agencement qui a été fait en partie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire telle sourate avant telle sourate, telle sourate avant telle sourate, et le reste c'est un ijtihad des sahaba, comme Cheikh Al-Uthaymeen l'a mentionné dans son livre Usulun fi Tafsir. Naam. Et donc justement les ulémas ont dit hadha awwalu amrin ja'a fil Qur'an, c'est-à-dire que si tu lis le Qur'an dans l'agencement dans lequel il est présentement, qui est un agencement qui commence par sourate Al-Fatiha qui finit par sourate Al-Nas, le premier ordre que tu vas lire est l'ordre de sourate Al-Baqarah, le verset 21. Ya ayyuhan nas ubud rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Cher Ubayd al-Jabri dit wa aqul, et je dis lafz an-nas, concernant le terme an-nas qu'on a traduit par les gens. Dalilun ala umum risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il y ait eu ce terme là, ça prouve le caractère universel, la portée universelle du message du prophète alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire que son message alayhi salatu wasalam concerne tout le monde, de façon non distinctive. لِأَنَّهُ مُعَرَّفٌ بِأَلْ. Car le terme a été défini avec la présence de Alif Lam. لِغَيْرِ الْعَهْدِ وَهَذِهِ السِّيرَةِ مِنْ سِيَارِ الْعُمُومِ. Et ce procédé-là est un procédé par lequel on vise la généralité, c'est-à-dire l'ensemble des gens. كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ. Comme ceci est affirmé dans la science des fondements du fiqh. À quelle règle Cheikh Ubayd al-Jabri fait allusion? Il fait allusion à la règle que Cheikh Sa'di a mise sous forme de poésie dans sa Mandamatu al-Qawaid Fiqhiyya, dans laquelle il avait dit وَالْأَلْ يُفِيدُ الْعُمُّ وَهَلْ تُفِيدُ الْعُمُومِ فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ وَالْ يُفِيدُ الْعُمُومِ. C'est-à-dire que le « al » il procure la généralité, que ce soit quand il est utilisé dans un contexte singulier et dans un contexte pluriel. Mais ça a des circonstances bien particulières, dans un contexte bien particulier. Je vous donne un exemple. Le fait qu'Allah, Cheikh Ubayd al-Jabri, dans son explication de Mandobatul Qaid Fiqhiyya, a donné l'exemple de « Inna l'insan ala fi khusr » Alif Lam. Alif Lam. Il y a eu Alif Lam. Mais là, ce qui est venu, c'est « al-istighraqiyya », c'est-à-dire la généralité, l'ensemble. Quand Allah, il dit « wal asr », il jure par le temps, il dit « Inna l'insan ». La fi khusr. Certes, l'être humain est dans la perdition. Est-ce que ça vise l'être humain en particulier, un être humain? Un être humain particulier dans toute l'humanité? Ou est-ce que ça vise yani, la généralité? La généralité du genre humain. Donc l'humanité. Ce qui est voulu, c'est l'humanité. Ça, c'est un exemple de Alif Lam en ayant yani, utilisé dans un contexte qui vise la généralité. Taïb. Et pour plus de tafsir, revenons au livre de Qawaid al-Fiqhiyya ou de Usul al-Fiqh. Barakallahu fikum. Donc, le terme al-Nas, ici, ce qui doit être compris, c'est le caractère général de la prophétie du prophète, c'est-à-dire que le message du prophète s'adresse à tout le monde. Thamma wa thamma su'al. هل يدخل الجن في عموم هذه الآية أعني الناس؟ Donc là maintenant à présent, cher Ubayd al-Jabiri, il aborde une mas'ala, il aborde une question. Est-ce que dans le terme an-nas, les gens, est-ce que les djinns rentrent dans ce terme? Il dit وما دل عليه من عموم رسالة محمد. Donc est-ce que les djinns sont concernés par le terme an-nas? Et est-ce que donc ceci indique qu'ils sont concernés par la généralité du message du prophète صلى الله عليه وسلم? فالجواب يدي لا ريبونس اي الجن داخل في عموم هذه الايه من جهتين يدي لي جين سون كونسيرني بار لا جينيراليتي دو سو فيرسي لا دو بار دو انجل دو كونسيديراسيون احدهما لغوي دازا بوينت فيو دو لا لانغويستيك والاخر نص الشرعي اي دازا ان اوتر انجل دو بيرسبكتيف دازا بوينت فيو دي تيكست دو لا شريعه اي دازا بوينت فيو لانغويستيك الناس بو ديزيني لي جين اي دازا ان اوتر بوينت فيو دازا بوينت فيو دو لا شريعه اي سون كونسيرني par la formulation de ce texte. Il dit « Amal l'orawi », donc le premier angle d'approche, l'angle d'approche relatif à la linguistique. Il dit « Fali anna lafz al-nas ma'khudhun min al-naws aw al-nawas wa huwa kathratu al-haraka wa minhu qawlu al-amma makanun yanous ay takthuru fihi al-haraka » Donc là, il aborde l'aspect linguistique. À la base, il dit le terme « al-nas », ça vient du terme « naws » ou le terme « nawas » qui renvoie à la multitude de mouvements. Et donc, et c'est pour ça que les gens du commun utilisent l'expression quand ils veulent décrire un endroit où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'activités qui s'y passent, ils disent Makan Yanous, c'est-à-dire il y en a un lieu dans lequel il y a de l'agitation. Non. Donc, ensuite, dans un point de vue de la sharia, il dit Amma shar'i, falima rawahu al-Bukhari an ibn Mas'ud, radiallahu anhu, fi sabab al-Nuzul. Qu'est-ce que c'est sabab al-Nuzul? Sabab al-Nuzul, c'est un terme qui fait référence à la cause de la révélation d'un verset. C'est-à-dire que les ulema du tafsir, comme vous pouvez le retrouver dans Usulun fi tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il a expliqué que des fois, il y a des versets qui sont révélés sans qu'on connaisse la cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un événement particulier, il y a une cause particulière qui soit connue, Allah révèle quelque chose. Taïb. Et des fois, il y a la cause, elle est connue. Des fois, ça peut être une question. Par exemple, je vous donne un exemple avec Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla dit Yas'alunaka 'anil ahillah. Les sahaba radiyallahu anhum ont donc interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant les croissants. Ils demandaient pourquoi le croissant il est grand, il est petit, il devient grand, etc. Et Allah les a orientés vers ce qui était plus bénéfique de savoir concernant les croissants. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Il a dit ce sont des temps, c'est-à-dire que ce sont des choses qui servent à calculer le temps et à savoir quand est-ce que survient le hajj. Donc, Allah révèle des choses concernant des questions, par exemple, ou des fois des événements. Par exemple, je vous donne un exemple avec Surat Al-Mujadala. Donc, Allah Azza wa Jalla dit قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ مَثَلًا. Ça, c'est par rapport à un événement. Donc, Allah Azza wa Jalla révèle des choses par rapport à des questions ou par rapport à des événements. Et des fois, il révèle des choses sans que l'on en connaisse. Forcément, il y en a la cause qui a été derrière. Et donc justement, concernant la cause de la révélation du verset de Surat al-Isra, le verset 57, il dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ça fait référence au fait qu'Allah dit ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire des gens qui invoquent des créatures en dehors d'Allah, ceux qu'ils invoquent, donc les invoquer, يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Ils cherchent un moyen par lequel ils se rapprocheraient d'Allah. أيهم أقرب. Qui d'entre eux parviendrait à être le plus proche de lui, subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, Al-Aya, qala, pardon, excusez-moi. Non, Al-Aya, donc c'est la mention d'une partie du verset. Et donc, Abdallah ibn Mas'ud explique la cause de la révélation de ce verset. C'est-à-dire, ce verset parle de quoi? Qui est invoqué? Il y a deux tafsirs. Cheikh Ubayd al-Jabri en a mentionné un. Mais notre cher Cheikh Khalid al-Ghafiri en a mentionné un deuxième dans une de ses explications. On va mentionner déjà le tafsir de Cheikh de Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que Cheikh Ubayd al-Jabri a mentionné. Puis on mentionnera l'autre interprétation qui a été rapportée des ulémas du tafsir quant à ce verset. Donc, excusez-moi, le noble compagnon, le Sahabi al-Jalil, Abdullah ibn Mas'ud dit كان ناس من الإنس يعبدون الناس من الجن فأسلم الجنيون. Donc il a fait référence à des êtres humains et à des djinns avec le terme nas, en disant c'était des gens parmi les êtres humains qui adoraient des gens parmi les djinns et les djinns se sont convertis. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Ce verset fait référence au fait qu'il y avait des humains qui adoraient les djinns en dehors d'Allah. Mais ces djinns se sont convertis. Et eux n'ont pas su leur conversion et ont continué à les adorer en dehors d'Allah. Le shahid, quel est le point de la mention de ce passage-là? C'est le fait qu'il est marqué Ya'budun an-nasan min al-jinn. Le terme djinn, on a fait référence au djinn par le terme nas. Donc ça prouve que la généralité du verset Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ça désigne d'un point de vue, il y en a les êtres humains, mais également les djinns. Et le deuxième tafsir que Cheikh Khalid al-Ghafiri avait mentionné concernant ce verset-là, c'est que ceux qu'ils adorent et qu'ils invoquent, il y en a un moyen par lequel ils chercheraient à se rapprocher d'Allah, ça vise les anges. Ça vise les anges. Wallahu a'lam. Donc il y a deux tafsirs. Que ce soit les anges qui sont adorés ou les djinns, ça revient à la même chose, dans le sens que ce sont des créatures qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri dit « Baqiya ba'da hadha istikharaju al-adilla allati aqamaha Allahu ala istihqaq al-ibadah fi hatayn al-ayatayn. » Donc il dit, maintenant ce qu'il reste, c'est le fait de mentionner, d'extraire les différentes preuves que Allah a établies pour prouver son droit exclusif à être adoré dans ces deux versets. « Fallahu da'a al-khalq ila ibadatih » Allah a invité sa création à ce qu'il l'adore. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Dans sa parole, dont le sens en français est le suivant, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Thumma bayyana ma yadullu ala istihqaqihi lil ibada. Puis il a mentionné ce qui prouve le fait qu'il mérite d'être adoré seul, de façon exclusive. Wa kanat hadhihi al adilla mimma yuqirru bihi al mushrikun. Et ces arguments, ces preuves qu'Allah azza wa jalla a mentionnées, ce sont des choses que les polythéistes reconnaissaient. Et à propos desquels ils ne divergeaient pas. C'est-à-dire ils ne contestaient pas ces choses-là. Car ils reconnaissaient l'unicité dans la seigneurie. Taïb, note du traducteur. J'ouvre ici une modeste parenthèse. Concernant la reconnaissance affirmée aux polythéistes quant à la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulémas comme Cheikh Al-Uthaymin, vous pouvez le retrouver dans son explication de Aqidatul Wasitiyah et possiblement dans son explication de Kitab al-Tawhid, si ma mémoire ne me fait pas défaut, a expliqué qu'il ne doit pas être compris que les polythéistes étaient au point mi-afimi à Kama Yuqal. Yani à 100%, ils étaient avec une bonne croyance dans la rububiyya. Là, ils reconnaissaient globalement la rububiyya. C'est ça qui est voulu, que globalement, ils reconnaissaient les éléments essentiels de la rububiyya. Sur quoi on peut se baser pour dire qu'il n'était pas complet dans la reconnaissance de la rububiyya? Par exemple, le fait qu'il reniait la résurrection. Il y avait des koufars de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils remettaient en cause la résurrection. Or, la résurrection, ça fait partie de la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et les polythéistes donc, reconnaissaient de façon générale, l'essentiel de ce qui est relatif à la rububiyya, des points fondamentaux de la rububiyya. Il ne faut pas comprendre de cette expression que certains éléments utilisent qu'ils ont reconnu la rububiyya dans tous ses aspects intrinsèques. Là, parce que cette compréhension-là n'est pas correcte. Il dit « فَإِلَا اسْتِنْبَاطِ اِتِلْكُمْ الْأَدِلَّةِ » طيب, il dit « الْأَوَّلِ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » Donc, il est celui qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire vos ancêtres. « خَلَقَكُمْ » il vous a créé. « وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَكُمْ » c'est-à-dire ceux qui ont existé avant vous. Et ça, c'était pas quelque chose que à propos de quoi les Quraysh y en étaient en désaccord. C'est-à-dire, ils reconnaissaient tout ça. Donc, il y en a les Quraysh et ceux qui leur étaient contemporains, qui vivaient dans leurs alentours, dans ces localités-là, tous reconnaissaient cet aspect-là et ne divergeaient pas à ce sujet. طيب الثاني الذي جعل لكم الأرض فراشا qui a fait pour vous la terre comme une couche. جعل الأرض فراشا مفروشة. Et le cheikh Ubayd al-Jabiri il aborde le fait qu'il a fait de la terre comme une couche. Et c'est-à-dire, يعني, et avec ça, malgré ça, ينال الناس منافعه منافعهم ومعايشهم. C'est-à-dire que cette terre-là, comment elle a été conçue, comment elle est par rapport à nous, elle est conçue d'une manière qui fait que les êtres humains peuvent en tirer profit, peuvent en tirer des bénéfices concernant ce qu'ils ont besoin. فمنها ما هو ظاهر ومنها ما يستخرج. C'est-à-dire que parmi les bienfaits et les choses dont on profite et dont on jouit, qu'Allah a mis sur terre, minha ma huwa dhahir, il y a ce qui est sur la terre et qui est apparent, par exemple les fruits, etc. C'est des choses qui. Ou plutôt, ce qui est apparent sur la terre, etc. directement. Wa minha ma yustakhraj. Il y a des choses qui sont à extraire. Mathalan, les fruits, c'est des choses qui sont apparentes. Ça pousse et c'est apparent. Tu vois des oranges, tu vois des pommes, tu vois des poires, etc. Tu as juste à prendre. Ça, c'est apparent. C'est sur la surface de la terre. Wa minha ma yustakhraj. Il y a des plantes, des fruits comme la patate douce, mathalan. Je vous donne un exemple comme ça. C'est quelque chose qui est à extraire de la terre. Donc il y a des choses que Allah nous a mis sur terre. Il l'a aplani pour nous, pour qu'on puisse y marcher, y construire des choses, etc. Et il y a mis sur terre des choses dont on bénéficie et dont on jouit, dont on tire profit, qui sont sur la surface de la terre et d'autres qui sont sous la surface de la terre. الثالث بناء السماء. Le fait qu'Allah est celui qui a établi les cieux. والسماء بناء. Il les a établis comme un édifice. Il y en a comme un toit, une toiture au-dessus de nous. والرابع وأنزل من السماء ماء. Le fait qu'Allah عز وجل est celui qui a fait descendre des cieux une pluie. Il dit انزل الماء من السماء. Le fait qu'Allah est celui qui fait descendre la pluie du ciel. يشرب الناس من هذا الماء. Donc cette eau-là on la boit, parce que si on se rend compte, y a ni, par exemple l'eau de mer on peut pas la boire, à moins qu'il y ait un traitement, etc. Mais l'eau de pluie on la boit. Non. Il dit et ils en abreuvent أنعامهم, ils en abreuvent leurs bestiaux, c'est-à-dire que les êtres humains en boivent, ils font boire leurs animaux, leurs bestiaux, leurs têtes de bétail, etc. وزروعهم, et leurs champs, c'est-à-dire les champs qu'on doit irriguer. الخامس فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Donc c'est-à-dire de par rapport à cette pluie qui pousse sur la terre, il fait surgir de la terre des fruits رزقا لكم, comme subsistance pour vous. Il dit إخراج الثمرات بذلكم الماء. Donc le fait que par cette eau, Allah fait surgir de la terre des fruits. Il y en a un nazi min as-sama, de par cette eau qui descend du ciel. فهذه خمسة أدلة. Donc ceci, ce sont cinq arguments, cinq preuves. جاءت في الآية, qui sont venus dans ce verset, على وجوب عبادة الله وحده دون سواه, qui sont venus attester, prouver le fait que Allah azzawajal doit être obligatoirement, c'est une obligation d'adorer Allah azzawajal seul, sans lui donner à quelconque associé, et que nul en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré. باقي في الآية أمران آخران. Il reste deux choses à mentionner concernant ce verset. Il dit أحدهما, le premier de ces deux, قوله تعالى لعلكم تتقون. فما معنى ذلك؟ Afin que vous obteniez la piété. Taïb. À la base, لعلكم, لعل, ça fait partie de ce qu'on appelle les particules qui servent à manifester l'espoir. Par exemple, quand tu dis السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك؟ كيف حالكم؟ لعلكم بخير. J'espère que vous allez bien. La'alla, c'est dans le sens la manifestation de l'espoir. Mais dans le Coran, c'est un autre contexte, c'est un autre sens. Il dit Ey litattaqu, afin que vous craigniez. C'est-à-dire, fala'alla ha'una litta'lil. Là, dans ce contexte-là, quand Allah dit ça, c'est-à-dire, c'est dans le sens que ce sera la cause qui vous permettra de concrétiser cette chose. C'est-à-dire, yani, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Non. Donc, c'est-à-dire que si vous adorez votre Seigneur, qui est Yanni de façon exclusive, vous atteindrez la piété. Et Taqwa, qui est traduit par la piété ou la crainte pieuse ou la crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah, quel est son sens? Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, a mentionné Taqwa fil lugha min al-wiqaya. Al-wiqaya, c'est le rempart, la protection. C'est-à-dire un rempart qui te protège de quelque chose qui te fait peur ou quelque chose qui pourrait te porter préjudice. Il dit donc al-wiqaya wa hiya al-hadar min al-makruh. C'est-à-dire le fait yani, de se prémunir de quelque chose que l'on n'aime pas, quelque chose qu'on ne veut pas que ça nous atteigne, que ça nous touche, que ça parvienne à nous. واصطلاحا et dans un contexte religieux, le mot taqwa, ça renvoie fiya lo ta'atillah ala nourin min Allah. Ça renvoie dans un premier plan au fait de concrétiser l'obéissance vis-à-vis d'Allah sur une lumière venant d'Allah. Et la lumière, ce qui est voulu par ce terme-là, les ulémas ont dit, c'est une science. C'est-à-dire que tu obéis à Allah en ayant étudié ce qu'Allah veut que tu fasses comme acte d'obéissance. Donc, fi'l ta'atillah ala nourin min Allah. Taliban thawabih. Cherchant par cela sa récompense. C'est-à-dire, tu obéis à Allah, tu as étudié ce qu'Allah veut que tu fasses, et tu l'as fait, espérant par cela la récompense d'Allah. Et c'est dans un deuxième angle d'approche, tarku ma'siyatillah ala nourin min Allah khawfan min iqabih. Et ça consiste également dans le fait de délaisser le péché, la désobéissance d'Allah, en te basant sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire en faisant cela avec science. Donc il faut que tu apprennes qu'est-ce que Allah a interdit pour que tu t'en écartes avec science. Et quand tu fais cela, khawfan min iqabih, par peur de son châtiment. En résumé, d'autres ulémas le définissent d'une autre manière en disant faire le ma'mourat wa tarku al-mahdhurat, c'est-à-dire le fait de faire ce qui t'a été ordonné et de délaisser ce qui t'a été interdit. C'est plus simple. Taïb. At-taqwa, hadhihi allati amara Allahu biha. Donc ceci est la crainte pieuse qu'Allah a ordonné de concrétiser. Wa hiya fil haqiqa ibadatuhu wa ta'atuhu. Et donc la réalité de la taqwa, c'est son adoration exclusive et son obéissance. Wa fi'lu awamiri, et c'est le fait d'obéir à ses ordres. Wa ijtinabu nawahih, et le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit. Fil ibadati, et ceci concerne le sujet de l'adoration. Wal mu'amalati, et donc concernant les interactions qu'on a avec les gens. Wa suluk, dans la conduite, le comportement que l'on a. Wa laha thalathu maratib. Et la taqwa a 3 degrés. Wahiya, fi'lu al-ma'murat, faire ce qui t'a été ordonné, c'est-à-dire concrétiser les ordres d'Allah. Tarku al-manhiyat, le fait de s'écarter des interdits établis par Allah, c'est-à-dire de t'en prémunir. Ijtinabu al-mutashabihat ou ash-shubuhat, donc éviter les choses dont le jugement est équivoque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est voulu par ce terme? J'ouvre ici une modeste parenthèse. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Abdullah al-Nu'man al-Bashir radiyallahu anhu. Il a dit inna al-halal bayyin, certes le licite est clair. Wa inna al-haram bayyin, et certes l'illicite est clair. Tayyib. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Et entre ces deux, c'est-à-dire entre ce qui est clairement halal et ce qui est clairement haram, il y a des choses qui sont ambigu, c'est-à-dire dont le jugement n'est pas clair. On ne sait pas vraiment si c'est halal ou haram. Taïb, faman ittaqa shubuhat. Première attitude. Celui qui s'écarte et qui se prémunit des shubuhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. En agissant ainsi, c'est-à-dire en se prémunissant de ces choses dont le jugement est confus, ne lui est pas clair, alors en agissant ainsi, en s'en écartant et s'en prémunissant, il a préservé sa religion et son honneur. Qu'est-ce que ça veut dire, il a préservé sa religion? C'est-à-dire qu'il s'est préservé du blâme d'Allah. Préserver son honneur, c'est-à-dire essayer de préserver du blâme des gens. Et celui qui se laisse aller à ces choses-là, dont le jugement est équivoque et dont le jugement n'est pas clair, il tombe dans le haram. Et le cheikh d'Abu Junaïd, Ahmed Badoukhan, hafidhahullah ta'ala, dans son explication de l'Arba'un al-Nawawiyya, avait donné 2 explications concernant cette partie-là. Waqa'a fil haram. C'est-à-dire qu'en se laissant aller à ces choses dont le jugement est équivoque, il se peut que cette chose-là soit haram, à la base. Mais lui ne le sait pas. Donc, Mohamed waqa'a fi shubuhat, waqa'a fi haram. C'est-à-dire celui qui tombe dans la chose qui est équivoque, dont le jugement lui est équivoque à lui, dont il n'est pas certain quant à son jugement, mais qui est en réalité illicite, ben il va tomber dans l'illicite. Taïeb. La deuxième interprétation, c'est man waqa'a fi shubuhat, waqa'a fi haram. C'est-à-dire que à force de se laisser aller concernant des choses dont le jugement est équivoque, ça va le pousser à avoir de la négligence et du laxisme dans sa pratique religieuse jusqu'à ce que ça le pousse à tomber dans le haram, qui sera clair pour moi, clairement pour lui, haram. Ça, c'est les 2 interprétations, c'est une faïda de Cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah, qui enseigne dans le marquez de l'imam al-Shafi'i, dans lequel je vous invite à vous inscrire afin de vous étudier auprès des gens de science, lorsque vous aurez atteint l'arabophonie, wa billahi ta'ala tawfiq. Je ferme ici cette parenthèse. Il dit, Cheikh Ubayd al-Jabari, dit, wa thani al-amrayn, qawluhu jalla wa ala, fala taj'alu lillahi andada. Donc, et ne lui donnez pas des égaux. بدأ الآيتين بالأمر بعبادته وختمهما بالنهي عن الشرك به فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء. Donc Allah Azza wa Jalla, dans ce passage du Coran, au début de ces deux premiers versets, Allah Azza wa Jalla a ordonné le fait qu'on lui voue un culte. Donc il a ordonné son adoration. Et il a fini ce passage du Coran avec la fin du deuxième verset, avec l'interdiction de lui donner des associés. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, c'est-à-dire des shuraka. نَعَمْ فَنِّدْ هُوَ النَّذِيرُ وَالْمَثِيلُ. Et donc, c'est-à-dire ne lui donnez pas des égaux. Quant à la partie du verset, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, et ne lui donnez pas des égaux alors que vous savez ces choses-là. C'est-à-dire, quelles sont ces choses que vous savez? أَنَّهُ أَمَّدَكُمْ بِهَذِهِ النِّعَمْ, il est celui qui vous a accordé ses bienfaits. Il y a les bienfaits qui ont été mentionnés. Le fait qu'il nous ait créés, le fait qu'il nous ait donné la terre, qui a fait la terre pour nous comme une couche, les cieux comme un toit, qu'il fait pleuvoir la pluie pour nous, qu'il fait sortir de la terre des fruits, etc. Toutes ces choses-là. Maintenant que vous savez que c'est Allah qui vous a donné ces choses-là, nul ne prend part avec Allah dans ces choses-là. Il n'y a qu'Allah qui produit ces choses-là pour nous. فَأَخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَ, donc vouez lui donc un culte exclusif. Vouez lui donc un culte pur et exclusif. N'adorez que lui. لأن الأمر بالعبادة مطلقا لا يكفي, car le fait d'adorer Allah, de leur donner l'adoration seulement de façon globale sans spécificité, ceci n'est pas suffisant. Pourquoi? Il dit فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était juste contenté de dire adorer Allah, simplement, pas adorer Allah seul, pas adorer Allah exclusivement. S'il aurait dit juste adorer Allah, ma naza'ahu al-qawm, son peuple n'aurait pas contesté son message. Yaqulun la bas na'budu Allah, ils auraient dit aucun problème, on adore Allah. Parce que les Quraysh adoraient Allah, mais adoraient autre qu'Allah. Donc le fait d'adorer Allah, ça ne leur pose pas de problème. Lakin qasimat al-dhahr wal-mufaraqa. Donc, mais par contre, le sujet de conflit, ce qui a été l'élément divisant et diviseur, ce qui a semé le trouble et la dissension entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été la source du problème, c'est « U'budullah wahda » adorer Allah seul. Donc ça implique l'adoration d'Allah et le délaissement de toute chose qui sera en dehors de lui. La tushriku bihi shay'an, ne lui donnez aucun associé. Wa hadha la yuriduhu al-qawm, et le fait d'adorer Allah seul sans lui donner d'associé, l'adorer exclusivement, son peuple ne le voulait pas. Li tamakkuni al-aliha min qulubihim khalfan an salaf, du fait que de génération en génération, les idoles et les divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah étaient très attachés dans leur cœur à ces choses-là. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'ils tenaient de leurs ancêtres et auquel ils étaient très attachés, profondément attachés. فَكَانَتْ النِّزَاعَاتْ وَالْخُصُومَةْ بَلْ الْمُفَاصَلَةْ وَالْقَتْلِ وَالْقِتَالِ. Et donc c'est par rapport à cet appel au tawhid qui impliquait l'adoration d'Allah, mais exclusive, et impliquant donc le délaissement de l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah, en a découlé de cet appel-là, de la part du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les disputes, les débats, et la scission, ainsi que le combat et les tueries. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont essayé de l'assassiner. Ils ont essayé de le tuer. Ils ont comploté contre lui, par rapport à sa da'wah au tawhid, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Dans la page suivante, il est dit, « قال المصنف رحمه الله قال ابن كثير » Donc là, il mentionne la parole de Cheikh al-Islam al-Hafidh, excuse-moi, al-Hafidh, Ibn Kathir, rahimahullah. Il dit al-khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibadah. Donc en commentaire du verset, c'est-à-dire le passage du Coran qui a été mentionné dans une partie de son tafsir, al-Hafidh Ibn Kathir a dit al-khaliq li hadhihi al-ashya, c'est-à-dire celui qui crée ces choses-là, huwa al-mustahiq lil-ibadah, c'est celui qui mérite l'adoration. Et ça, c'est logique et c'est rationnel. Donc Cheikh Obeid al-Jabri dit que cette parole-là est claire. Il dit hadha kalam wadih bayyin, c'est-à-dire cette parole-là elle est claire. Elle est explicite. وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَزِيدٍ, il n'y a rien à rajouter à cette parole-là. وَلَا يَحْتَجِ إِلَى التَّعْلِيقِ, elle ne nécessite pas une quelconque annotation supplémentaire. On passe à la page suivante. قال المصنف رحمه الله. On va lire cette page et on va s'arrêter, inshallah. Comme ce sera un madkhal, et comme ça vous aurez le temps de mémoriser le nom des adorations qui sont mentionnées. Il dit وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ وَمِنْهُ الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَاكُلُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوعُ وَالْخَشْيَةُ وَالْإِنَابَةُ وَالْاسْتِعَانَةُ وَالْاسْتِعَاذَةُ وَالْاسْتِغَاثَةُ وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ وغير ذلك من وغير ذلك من من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc le cheikh Mohamed Al-Tamimi رحمه الله donc a mentionné ici وأنواع العبادة التي أمر الله بها, et donc les différentes formes d'adoration qu'Allah a rendu obligatoire, yani qu'Allah a ordonné plutôt. Je tiens à attirer votre attention sur une chose, le fiqh du da'i. Cheikhuna Cheikh Khalid Al-Dhafiri a expliqué pourquoi Cheikh Al-Islam Mohamed Al-Tamimi a abordé ces adorations-là spécifiquement. Est-ce que c'est une liste exhaustive? Non, ce n'est pas toutes les formes d'adoration qui sont mentionnées ici. Ce n'est qu'une partie des formes d'adoration qui existent. Mais pourquoi celle-là? C'est parce que c'était dans ces adorations-là qu'il y avait beaucoup de shirk à son époque. Et ça, c'est une nasiha dont on doit bénéficier pour nous en tant qu'interagissant avec la da'wah. En tant que tullab, en tant que cheikh, en tant qu'enseignant, en tant que yani prédicateur, on doit prendre en compte les besoins de notre communauté et de nos contemporains afin de résoudre les problèmes de société et les problèmes sociétaux de notre époque. Et donc, justement, il dit tel que l'islam, la soumission, al-iman, donc la foi, al-ihsan, l'excellence de la foi, wa minhu, et donc fait partie de la religion de l'islam et des adorations légiférées par Allah, al-du'a. Al-du'a, c'est l'invocation. Taïb. Wal-khouf. Al-khouf, c'est une adoration. Et on verra le tafsil. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je vous les énumère pour que vous compreniez leur sens en français et que vous puissiez les mémoriser pour la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, on verra leur tafsil. Et vous verrez que ces formes-là, des fois, on appelle une chose avec le même nom. C'est une adoration qui doit être vouée pour Allah. Mais elle a aussi, cette appellation désigne également quelque chose qui peut être éprouvé ou accompli vis-à-vis d'autres qu'Allah et qui n'est pas du shirk. Je vous donne un exemple. Avec la peur, justement. La peur est de plusieurs catégories. Parmi elles, al-khawf al-tabi'i. Al-khawf al-tabi'i, qu'est-ce que c'est? C'est la peur naturelle. Le fait que, par exemple, s'il y a un lion que tu vois un lion qui sort d'une cage, il vient devant toi, tu as peur de lui, c'est normal. Parce que le lion, on sait qu'il a une capacité destructrice et une capacité à te faire mourir. Donc tu redoutes et tu as peur de lui. Est-ce que c'est une peur qui est du polythéisme? Est-ce que c'est une ibada que tu lui voues? Non. C'est une forme de peur qui est licite, qui est tolérée. Mais par contre, il y a une forme de peur qui est une peur d'adoration. Celle-là ne doit être vouée pour que Allah. C'est une peur que tu n'éprouves que pour Allah. Donc on verra le tafsir concernant ce sujet-là. Donc al-khawf, la peur. Al-raja, l'espoir. Le fait de placer son espoir en Allah. Par exemple, espérer sa miséricorde. Mathalan. Wa-tawakul. Wa-tawakul, c'est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a distingué de tawakil. On verra justement le farq bain al-tawakul wa tawakil. Le tawakkul, c'est que pour Allah. Al-tawakkul, c'est pour un être humain, comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué dans Thalathatul Usul. Wal-rahbatu, donc al-rahbatu, c'est le désir. Par exemple, le fait que tu désires la récompense d'Allah, tu désires sa miséricorde, tu désires son paradis. Wal-rahba, ne confondez pas al-rahba avec le rain, qui veut dire le désir, et al-rahba avec le ha, qui désigne l'effroi, la frayeur. Et justement, il y a des temps faciles à faire entre ces kalimates. Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation dans la connotation, mais une distinction dans la connotation également, entre al-khawf, al-khashya, wa al-rahba. Al-khawf, c'est la peur. Al-khashya, c'est khawf ma'a ilmin wa mahabbatin wa ta'zim, comme a dit le cheikh Zayd al-Madkhali, dans son explication de Thalathat al-Usul. Il avait expliqué qu'al-khashya, la différence avec la peur, et al-khashya, c'est qu'al-khashya, c'est une peur vis-à-vis d'Allah, accompagnée de science. Certains ulémas se sont arrêtés là, mais cheikh Zayd al-Madkhali avait dit avec amour et vénération. Et c'est pour ça que comme la science, elle est liée à la peur, que la crainte est une peur accompagnée de science, c'est pour ça qu'Allah a dit concernant le khashya, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Certes, ceux qui craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs, ce sont les ulema. De par le fait qu'ils ont la connaissance d'Allah la plus poussée parmi les serviteurs, ils sont donc ceux qui ont la crainte d'Allah la plus poussée. Taïb. Donc, et الرَّحْبَ, ça c'est l'effroi, la frayeur. C'est une forme de peur, mais c'est une peur qui suscite un acte. Comme par exemple quelqu'un qui s'approche de quelque chose qu'il veut voler, quelque chose de haram à prendre, et il veut s'en approcher, et par frayeur vis-à-vis d'Allah, il se rétracte. Non, mathalan. Donc, al-rahba, la frayeur ou l'effroi. Al-khushu', l'humilité. Al-khushu', c'est l'humilité. والخشية donc la crainte والإنابة c'est le retour par la repentance le retour repentant si vous voulez et on verra le tafsil justement entre le farq بين التوبة والإنابة il y a un tafsil chez les ulama concernant le farq entre التوبة والإنابة dans un certain contexte ça renvoie à deux choses différentes mais qui ont une connotation commune un lien entre elles ensuite il y a des formes de dua c'est-à-dire qu'on a déjà mentionné la dua de façon générale mais là on va mentionner trois formes de dua parmi des manifestations spécifiques de la dua al-isti'anatu wal-isti'adhatu wal-istighatha qu'est-ce que c'est l'isti'ana c'est talab al-aoun la demande d'aide le fait de demander de l'aide ensuite al-isti'adha c'est talab al-aoud la demande de protection la demande de refuge ensuite al-istighathatu ça c'est talab al-ghawth la demande de secours et là le shirk dans cette dua là est plus sévère en termes de gravité pourquoi parce que ça l'istighatha c'est différent de la dua normale la dua normale par exemple tu peux être calmement dans ton appartement et demander des choses à Allah ça fait partie de la dua mais l'istighatha c'est quand tu implores le secours c'est dans des cas par exemple où, quand, lorsque tu redoutes pour ta vie tu crains de mourir maintenant tu es au bord de la noyade ton bateau il a fait naufrage tu t'accroches à une bouée à un bout de bois au milieu de la nuit les gens sont en train de se noyer, il y a des requins dans l'eau, etc. Là, quand tu vas implorer Allah pour son secours, c'est ça l'istirafa. Non. Et donc là, si tu fais du shirk dans ce moment-là, c'est plus sévère en termes de kouf, en termes de gravité. Parce que la personne que tu vas invoquer à ce moment-là où tu crains pour ta vie, la soumission, le tawakkul, la remise, la confiance, comment tu vas te dévouer à cet être que tu vas invoquer à ce moment-là, tu vas lui vouer une intensité dans ta remise complète. Dans ta confiance complète que tu voues à celui que tu invoques. Et si tu le fais pour Allah, c'est une noble adoration. Et si tu le fais pour autre qu'Allah, c'est une humiliation et une ignominie. Na'udhu billah an ash-shirk. Wa adh-dhabh. Adh-dhabh, c'est le sacrifice rituel. Wa an-nadhr. An-nadhr, c'est le vœu pieux. Le vœu pieux ou l'engagement solennel. Qu'est-ce que c'est ? Juste pour un petit préambule pour que vous compreniez un peu ce qui est voulu par le nadhr. Parce que beaucoup le traduisent par le vœu pieux, mais qu'est-ce que ça veut dire ? À la base, c'est le fait de se rendre obligatoire quelque chose qui ne l'est pas initialement. Et il est de deux. Celui qui est conditionnel et celui qui ne l'est pas. Celui qui n'est pas conditionnel, c'est-à-dire qui n'est pas conditionné en rapport à quelque chose, comme par exemple le fait que quelqu'un, il jure, il s'engage solennellement, que dorénavant, jusqu'à ce qu'il meure, il va prier il va jeûner le lundi et jeudi matin. Lui, c'est un engagement solennel qu'il a fait. C'est un nadr. Ça, c'est le nadr mutlaq. Et il y a le nadr muqayyad. Et à son propos, les éléments divergent quant à son hukm, mais on le verra, Inch'Allah, lorsqu'on fera le tafsil de Cheikh Ubayd al-Jabri à ce sujet. Un nadhr muqayyad, c'est le fait que, par exemple, quelqu'un il a son enfant sur le lit d'hôpital, et il craint pour la mort de son fils. Il craint la mort de son fils de par la maladie. Et il invoque Allah, en lui disant, Allahumma mathalan, yani, si tu sauves mon fils de la maladie, tu l'épargnes et tu le guéris, je sacrifierai 10 moutons pour toi. Si Allah guérit son enfant, il lui incombe de sacrifier les 10 moutons. Et donc respecter son engagement solennel est quelque chose qu'Allah a loué dans le Coran. Yufuna bin nadri, yani wa yakhafuna yawman kana sharruhum mustatira. Ils respectent, ils s'acquittent de leur vœu pieux, c'est-à-dire de leur engagement solennel, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra sur tout endroit. Tayyib. Donc ça c'est des exemples d'adoration. Il dit wa ghayri dhalika min anwa' al-ibadati allati amara Allah biha. Donc et autre que cela parmi les différentes formes d'adoration qu'Allah a ordonné, kulluha lillahi ta'ala. Toutes doivent être vouées pour Allah Ta'ala. Wa dalilu qawluhu Ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et certes, les mosquées ne sont que pour Allah, n'y invoquez donc personne avec lui. Taïb. Cheikh Ubayd al-Jabri, dans son explication, a dit al-masajid jam'u masjid. Donc le terme masajid est le pluriel du mot masjid, qui veut dire le mot mosquée, qui désigne les mosquées. Wa huwa mawdi'u as-salah wa makanuha. Donc c'est l'endroit dans lequel on fait la prosternation et c'est l'endroit sur lequel on fait la prosternation. C'est-à-dire masjid, ça désigne l'endroit où sur lequel tu fais la prière, l'endroit lui-même. Et wa makanuha, c'est les lieux, le lieu qu'on appelle mosquée. Wa sumiya masjidan min as-sujud. Et l'appellation masjid vient du mot sujud qui veut dire prosternation. Wa sujud ashrafu anwa'i salat. Et dans les différentes composantes de la prière, la plus noble station, le plus noble mouvement, le plus noble yani, acte que tu fais dans la prière, c'est le sujoud. Comme vous le savez, barakallahu fikoum, il y a quatre positions possibles dans la salat. Al-qiyam, wal-ruku', wal-sujoud, wal-jalsa. Le fait d'être debout, le fait d'être incliné, le fait d'être prosterné, le fait d'être assis. Comme par exemple pour, entre les deux prosternations ou lorsque l'on veut faire le tashahhud. Et donc le sujoud, c'est la partie la plus noble. Le prophète sallam dans un hadith avait dit que la position dans laquelle le serviteur est le plus noble de son seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Taïb. Il dit que l'endroit soit, que la mosquée soit un lieu qui est établi, c'est-à-dire avec des murs, des toits, etc. Ou ard fada, ou même si c'est une terre déserte, dès lors que ma damat salatu qamu fihi fa huwa masjid. Donc que l'endroit dans lequel la prière est accomplie et célébrée, que ce soit un endroit édifié, c'est-à-dire avec des murs, des délimitations, des clôtures, une toiture, etc., ça s'appelle masjid. Ou même si c'est une terre déserte, c'est une terre sans qu'il y ait d'édification autour, dès lors que la prière y est accomplie, on appelle ça masjid. Il n'est pas obligé qu'il y ait des murs, mathalan. Ensuite, concernant le verset « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا نَهْيٌ عَنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى » Donc il y a dans ce verset l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah. « وَهَذِي سِرَةُ عُمُمْ » Et cette formulation est une formulation qui a une connotation de généralité, c'est-à-dire « أَحَدًا » C'est-à-dire « نَكَرَةٌ فِي سِيَقِ النَّهِي » C'est-à-dire le mot « أَحَد » il n'a pas été écrit avec « alif lam » ou avec un procédé qui le définit. Mais ça a été un procédé qui a été mis sous la forme indéfinie, nakara, dans un contexte où c'était la négation, l'interdiction qui a été affirmée. C'est-à-dire que l'interdiction est à portée générale. C'est comme si je vous disais, n'invoquez personne, vous ne pouvez invoquer qui que ce soit avec Allah. Il vous est interdit d'invoquer qui que ce soit avec Allah. Wa hiya ihda siyaril 'umum, c'est un des procédés par lesquels on vise la généralité. Wal ma'na, et le sens donc, ce qui est voulu par ce passage. فَإِنَّهُ لَا حَقْ لِأَحَدٍ فِي الدُّعَاءِ مَعَ اللَّهِ أَوْ دُونَهُ Il dit que nul n'a de légitimité à recevoir de la part des serviteurs une invocation avec Allah, c'est-à-dire d'être invoqué avec Allah, ou d'être invoqué en dehors de lui. وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَدْعُ نَبِيًّا Que celui qui est invoqué, l'invoqué en question, soit un prophète, ou malakan, ou un ange, ou رَجُلًا صَالِحًا, ou un homme pieux, ou insiyan, ou un être humain, ou djinniyan, ou un djinn, ou eishay, ou quoi que ce soit. Non. Donc, inshallah, barakallahu fikum, on va s'arrêter là, parce qu'après, ça va être le tafsil, justement, sur les ibadat. Donc, on abordera, inshallah, dans l'assise de la semaine prochaine, les ibadat, avec les explications de Cheikh Obeid Al-Jabiri. Et pourquoi c'est important d'étudier ce genre de sujet? Rends-toi compte, mon frère. Rends-toi compte, ma soeur qui nous écoute sur la radio. Barakallahu fikum. Que tu as été créé pour l'adoration d'Allah. Tu as été créé pour ça. Et que le plus grand des objectifs donc pour toi, c'est de concrétiser l'adoration d'Allah exclusive. Et que le plus grand danger qui te guette dans cette dunya, le danger qui est le plus grave, le plus grand péché que tu peux faire, c'est du shirk. Et le shirk, c'est le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois faire alors? Tu dois impérativement maîtriser le concept de l'adoration. Comme ça, tu seras sûr que tu adores Allah seul. Et tu seras sûr que tu ne voueras jamais une adoration à autre qu'Allah. Tu peux faire du shirk en vouant une adoration autre qu'Allah avec une émotion. Tu peux sortir de l'islam par une émotion, comme le fait d'aimer quelqu'un plus qu'Allah, d'un amour plus intense et plus fervent que l'amour que tu éprouves en Allah. Ou le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah, d'une peur qui est supérieure à la peur que tu éprouves vis-à-vis d'Allah. C'est du shirk. Akbar, qui expulse la personne qui se rend coupable de la religion de l'islam. Donc justement, il faut maîtriser qu'est-ce que l'adoration? Quelles sont les formes d'adoration? Comme ça, tu t'assureras que toutes tes adorations sont vouées à Allah et que tu ne voueras jamais une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que j'espère vous voir, vous, et de voir plus encore de frères présents dans l'assise de la semaine prochaine, Inch'Allah, sur Thalathat al-Usul. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous dans deux jours, bi'idhnillah, pour notre assise sur Amdat al-Fiqh d'Ibn Qudam al-Maqdisi, toujours avec les explications de l'Alama Ubaid al-Jabiri, rahimahullah wa rahmatan wa si'a. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك